Mac, ne m'arrache pas le cœur de la poitrine. Reste avec moi et soyons heureux ensemble. Et moi, il faut bien que je m'arrache le cœur de la poitrine, puisque je dois partir et que nul ne sait quand je reviendrai. Tout a été si bref, Mac. Mais dis donc, ça n'est pas encore fini. Oh, Mac, j'ai fait un rêve. Je regardais par la fenêtre et j'ai entendu un éclat de rire dans la rue. En me penchant pour voir, j'ai vu notre lune. Son disque était mince comme une vieille pièce d'un penny tout usée. Ne m'oublie pas, Mackie, dans les villes étrangères. Embrasse-moi, Polly. Au revoir, Mackie. Au revoir, Polly. L'amour, ça dure, ça ne dure pas. S'il part, ne le retient pas.